الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد nous continuons également le cours sur les nobles caractères, la série sur les nobles caractères que nous avions commencé et nous avions déjà abordé certains chapitres. Et je profite de l'occasion donc pour vous rappeler que c'est un résumé. On essaie donc de résumer donc les enseignements qu'on peut trouver dans le livre Rawdat al-Uqala et également, lorsque je vous le mentionne, certains enseignements tirés des cours de Cheikh Abdel Razzaq al-Badr, le fils de Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, qu'Allah les préserve. Aujourd'hui, donc, on va aborder un sujet très important, c'est la préservation de la langue. La préservation de la langue. Et également le fait d'observer le silence. Également le fait d'observer le silence. On a vu parmi les chapitres qui sont passés, l'importance de la réforme des cœurs. La réforme des cœurs qui passe par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait eu l'occasion de rappeler ce qu'est la crainte d'Allah et de la définir. Par la suite, nous avions vu le fait d'accorder de l'importance à la science, au savoir, à la recherche de la science et du savoir. Et nous avons vu que si Ibn Hibban avait d'abord mentionné la réforme des cœurs, puis qu'il avait fait succéder par l'incitation à l'apprentissage de la science, c'était du fait qu'on doit chercher dans un premier temps à purifier, à nettoyer, avant de chercher à embellir cela. Donc dans un premier temps, tu purifies, tu nettoies, puis tu viens et tu cherches à embellir. Et la science de Suman vient embellir le cœur qui aura été purifié par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, donc, il a consacré un chapitre au fait de savoir maîtriser sa langue. Au fait de savoir maîtriser sa langue. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anka la lagré, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait, celui qui croit à Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit à Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et l'imam Ahmed, de même que Tirmidhi, qu'il a considéré comme étant Hassan Sahih, ils ont rapporté de Mu'adh ibn Jabal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après donc lui avoir donné un certain nombre de recommandations, il a saisi sa langue et il lui a dit: Kuffa alayka hada, retiens-la, donc en parlant de la langue. Mu'adh, radiyallahu anhu, de répondre: allons-nous être blâmés concernant ce que nous disons avec cette langue? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu: que ta mère te perde, ô Mu'adh. Et qu'est-ce donc qui met les gens en enfer sur leur visage, à moins qu'il n'ait dit sur leur narine, autre chose que ce que leur langue a moissonné? وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. Y a-t-il autre chose qui mette les gens en enfer sur leur visage? Moi qui n'ai dit donc sur leur narine que ce que leur langue ont moissonné, que ce que leur langue ont semé. Donc tu trouves l'incitation de dire le bien ou de se taire. Et également l'interdiction de laisser libre cours à sa langue et de la laisser proférer tout et n'importe quoi. Étant donné que c'est là la base et c'est là une des grandes causes de ce qui amène le châtiment de l'enfer et qui fait que la personne se retrouve châtiée, humiliée sur son visage, la chose donc la plus noble qu'elle a. Tu la trouves donc humiliée, traînée sur son visage à cause de ce que sa langue a moissonné. Qu'Allah nous en préserve. Et nous avions eu l'occasion de mentionner dans une assise qui a précédé que l'être humain, il dépend de ses deux membres les plus petits. À savoir, et nous avions vu ça notamment donc en ramenant la parole de Luqman qu'il avait adressé à son fils. Non, plutôt de Luqman qu'il avait adressé donc à un de ses contemporains. Que donc l'homme dépend des deux membres qui sont ces deux membres-là qui sont les plus petits, à savoir la langue et le cœur. Étant donné que la langue, elle va venir traduire et elle va venir transmettre ce qu'il y a dans le cœur. Et que la base de la piété, nous avons vu à plusieurs reprises qu'elle est dans le cœur, et qu'également, la base de la perversion, elle se trouve dans le cœur. Et à partir de là, la langue donc va faire ressurgir ce qu'il y a dans ce cœur, que ça soit bon ou pas. Et la parole, le fait de parler, il faut savoir que c'est une des grandes sources de problèmes, de dissensions, de troubles dans cette vie d'ici-bas et de châtiments, wal'iyadhu billah, comme nous l'avons vu, dans l'au-delà. Alors que, de l'autre côté, il y a le silence, qui est source, bien souvent, de bonne entente. C'est-à-dire une personne qui parle peu, qui ne se prononce que lorsque c'est nécessaire, c'est une personne qui va être appréciée. Et c'est une personne qui va être respectée. Et qui ne va pas être une source de problèmes, qui ne va pas être une source de divergence, qui ne va pas être une source de division, qui ne va pas être une source de dissension, de trouble, étant donné qu'elle ne se prononce que lorsque c'est nécessaire. Et que le fait justement qu'elle ne soit pas quelqu'un qui laisse libre cours à sa langue, ça fait qu'elle pèse ses mots, qu'elle les pondère et qu'elle sait ce qu'elle dit. Et nous allons aborder l'importance de cela, incha'Allah ta'ala. Il faut savoir que préserver sa langue parmi les bienfaits de cela, c'est que c'est une cause du repos de l'âme. Car la personne qui parle peu, elle va avoir peu de soucis. Et elle ne va pas s'engager dans des discussions, dans des problèmes, dans des sujets, dans des situations qui vont par la suite lui porter préjudice et qui vont le perturber, na'am, et qui vont la perturber, mais plutôt donc elle se contente de parler peu, juste quand c'est nécessaire, de ne pas exagérer dans cela, ce qui va être la cause du repos de son âme. Également, il faut savoir, quand on parle justement de fait de parler, ou de savoir également quand ne pas se prononcer. Il faut savoir que parmi les bénéfices de cela, c'est que le fait de se prononcer après s'être abstenu de parler, c'est beaucoup plus aisé que de venir rectifier des propos que tu as déjà prononcés. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Tu t'es prononcé sur quelque chose, tu t'es avancé à dire quelque chose, et tu te rends compte par la suite que ce que tu as dit n'est pas forcément correct. Tu te rends compte que ce que tu as dit, même si c'est vrai, ça n'a pas été une source de bien. Car ce n'est pas toute parole de vérité qui doit être dite. Et ça, c'est quelque chose, surtout en France, qu'il est important de savoir. Car tu trouves même parmi les musulmans des gens qui sont toujours en train de parler, de se prononcer, sous prétexte qu'ils sont francs et qu'ils disent ce qu'ils pensent. Et quand tu essaies de lui expliquer que ce n'est pas forcément très sage, que ce genre d'agissement n'est pas forcément très sage, il te répond « Moi je suis franc et je dis ce que je pense ». Ça c'est une mentalité typiquement française. Il faut savoir que ce n'est pas toute parole qui est vraie, toute parole que tu penses, il est bon à dire. Car ça peut être une cause de dissension, une cause de problème. Et tu trouves que la personne qui est raisonnable, sensée, posée, elle se prononce quand elle voit, premièrement bien sûr, que ce qu'elle dit est vrai, pour ne pas tomber dans le mensonge, et également qu'elle voit que les propos qu'elle va tenir, ça va être une source de bien. Sinon, il vaut mieux qu'elle s'abstienne. Et le fait donc de rectifier des propos que tu as déjà prononcés, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Et ça ne va pas forcément être accepté de toi. Parfois, des problèmes sont tellement profonds à cause de quelques paroles que tu n'auras plus jamais l'occasion et la possibilité de rectifier le tir et de réparer ce que tu as cassé par tes propos. Et peut-être que cette chose-là, ça va même être un obstacle pour que tu viennes rectifier les propos que tu as tenus. Alors que le fait de se prononcer après s'être abstenu, c'est une chose qui est aisée. Un jour, tu t'es abstenu de parler. Il y avait une situation donnée, tu t'es abstenu. Tu as préféré peser le pour et le contre, réfléchir, voir si ce que tu dis c'est vrai, ou ce que tu as l'intention de dire est quelque chose de vrai. Tu souhaites donc vérifier cette chose-là, ou alors tu souhaites réfléchir sur les avantages et les inconvénients qu'il y a derrière le fait de se prononcer, et donc tu t'es abstenu. Et par la suite, tu te rends compte qu'en vérité, il est bon de ta part que tu parles. Il est bon de ta part que tu parles, voire que c'est obligatoire. Ça sera quelque chose d'aisé. Tu vas venir voir là où les personnes en question, et tu vas dire, voilà, tel jour je me suis abstenu de me prononcer ou de répondre à ce que vous m'avez dit. Après mûre réflexion, voilà ce qu'il en est. Et là tu te prononces et c'est quelque chose qui est très aisé, qui sera accepté facilement de toi. Al-Hakim dans le Mustadrak, de même qu'Al-Bayhaqi, ont rapporté, c'est un hadith qui est fiable, de Sa'd ibn Abi Waqqas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi donc plusieurs recommandations qu'il lui avait faites, il lui a dit, méfie-toi de tout ce qui nécessiterait de toi que tu t'excuses. Méfie-toi de tout ce qui nécessiterait de toi que tu t'excuses. Donc ça c'est général, ça concerne les paroles et autres. Toute chose pour laquelle tu devrais être amené à t'excuser par la suite, méfie-toi-en, écarte-toi-en. Et ça t'incite à quoi? Ça t'incite à réfléchir. Ça t'incite à réfléchir. C'est pour cela que la personne sensée et raisonnable comme disent les salaf et comme l'a dit Ibn Hibban, sa langue, elle est derrière son cœur. Sa langue, elle est derrière son cœur. Et chaque fois qu'elle veut se prononcer, ça passe d'abord par un petit contrôle. Est-ce que cette parole-là, elle est bonne à dire ou pas? C'est-à-dire, le cœur, il est là, condition bien sûr qu'il soit bon, il est là pour contrôler ce que la langue va prononcer. Alors que la personne qui n'est pas réfléchie, la personne qui est ignorante, Naam, tu trouves que ses paroles, donc elles sont toujours sur le bout de sa langue. Et chaque fois qu'elle pense quelque chose, elle le dit. Chaque fois qu'elle pense quelque chose, elle le dit. Et c'est là, et c'est ce type de personne-là, qui est réellement une source de problème. Abu Darda disait que dans ce bas monde, Abu Darda, donc le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait: dans ce bas monde, il n'y a de bien chez personne, hormis quelqu'un qui se tait pour écouter le savoir et pour l'acquérir. Et un savant qui se prononce et qui propage ce savoir-là. Dans ce bas monde, il n'y a de bien dans personne, sauf dans quelqu'un qui se tait pour écouter le savoir et l'acquérir, ou un savant qui se prononce par ce savoir-là, par cette sagesse, et qui la diffuse et la propage. Également, Ibn Hibban a mentionné certaines règles de bienséance à adopter concernant le fait de parler, le fait de prendre la parole. Et disait que la personne qui est raisonnable, qui est sensée, qui est douée de raison, qui est réfléchie, elle ne cherche pas à monopoliser la parole. Elle ne cherche pas à monopoliser la parole. Et elle ne cherche pas non plus à s'immiscer et à s'introduire dans les discussions des autres. Et on peut également dire qu'elle ne cherche pas non plus à répondre à la place des autres. Donc tu trouves que elle s'éloigne autant qu'elle peut de la parole. Sauf si vraiment, il y a un besoin à le faire, et si ça lui est demandé, ou si ça lui est demandé. Et dans cela, dans tout cela, comme dans tout, il y a un juste milieu à adopter. Il y a un juste milieu à adopter. Et ça nécessite de connaître le mérite de parler lorsqu'il t'est demandé de parler, et également de se taire lorsque c'est opportun. Pour ne pas tomber dans un des deux extrêmes. Une personne qui ne s'arrête pas de parler et qui se prononce dans tout et qui s'introduit dans chaque discussion, qui répond à toutes les questions, et une personne qui se tait tout le temps, même quand ça lui est demandé de parler. Et parmi les choses surprenantes, et parmi les paroles de vérité par lesquelles c'est le faux qui est recherché, le fait que certains se basent sur des propos prophétiques, paroles du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il disait « Mansamata Naja », celui qui se tait, est sain et sauf, et a été sauvé. « Mansamata Naja ». Ça, c'est une parole juste. Naam. Mais il faut savoir également qu'il y a des situations dans lesquelles il t'est demandé de te prononcer. Tu trouves des gens qui se basent sur ce genre de hadith-là pour s'abstenir de parler sur les innovateurs. Et parfois, ça peut même être obligatoire pour lui. Tu lui dis, mon frère, il faudrait que tu préviennes les gens autour de toi. Regarde, un tel, c'est un innovateur, il est en train de propager son innovation au sein des musulmans, auprès de gens qui te côtoient, que tu connais. de tes proches, de tes élèves. Préviens-les du danger d'un tel. Mansamata Nadja. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute. Mais ce même prophète sallallahu alayhi wa sallam qui incitait à se taire lorsqu'il le faut, lorsqu'il t'est demandé de le faire, c'est le même qui a critiqué des innovateurs. Critiqué les innovateurs de manière générale, avant même qu'ils n'apparaissent. Naam. Et c'est le même qui a prévenu du danger ou du mauvais comportement d'un tel ou d'un tel. Lorsqu'une personne s'est présentée et s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: quel mauvais fils de tribu! Quel mauvais fils de tribu! Et lorsqu'il s'est approché et qu'il est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a souri et a été avenant avec lui. Aïcha radiallahu anha lui a demandé donc quant à cet agissement, pourquoi donc avait-il parlé de la sorte le concernant au début, puis il avait été avenant et souriant avec lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: m'as-tu déjà vu arrogant? Sache que parmi les pires des gens, ceux que les gens ont délaissés par crainte de leur mal. Donc ici, tu trouves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clairement parlé donc de cette personne et qu'il a prévenu donc du mal qui était en lui. Donc il faut impérativement que tu réunisses les textes et que tu ne te prononces pas dans un sujet avant d'avoir réuni les textes, afin que tu sois donc dans une voie de juste milieu et que tu ne t'accroche pas à un principe de la religion et qu'avec ce principe-là, tu mets de côté un autre principe de la religion. Donc il faut impérativement réunir tout cela. Non. Et ce juste milieu-là donc à apporter, comme on l'a dit à plusieurs reprises, et comme je pense que ça a été compris, c'est de garder le silence jusqu'à ce qu'il soit opportun ou demander de se prononcer et de parler. Et parmi les fonctions de la langue, Ibn Hibban en a cité certains, et on va en citer donc quelques-uns, il y a l'éloquence. Également, le fait que c'est un témoin de ce qu'il y a dans le cœur, c'est un moyen que tu peux utiliser donc pour dire ce qu'il y a dans ton cœur. C'est également un moyen pour répondre lorsqu'une question t'est posée. C'est un moyen également de juger entre deux personnes ou plusieurs personnes lorsqu'il est nécessaire de le faire. C'est un moyen d'obtenir, de demander une chose dont tu as besoin. C'est un moyen de décrire quelque chose que tu as besoin de décrire. C'est un moyen de consoler également une personne qui aurait besoin d'être consolée, d'être assistée. C'est également un moyen, na'am, d'attirer les sentiments d'autrui. L'homme avec sa femme, na'am, avec ses proches, amené donc à utiliser la parole pour pouvoir justement attirer donc les sentiments de ses proches vers lui. Na'am. Et c'est également un moyen d'obtenir le savoir en posant la question. C'est également un moyen d'obtenir le savoir en posant la question. Donc ces différentes fonctions de la langue, elles peuvent être utilisées justement à de nobles fins. Et ce, lorsque c'est opportun, comme on l'a vu tout à l'heure. Et nous avions vu, et on a répété à plusieurs reprises, et même aujourd'hui, la place importante qu'occupe le cœur. Et l'importance que tu dois accorder à la réforme de ton cœur. Et il faut savoir également que la langue, comme nous l'avons vu, elle a toute sa place. Et que lorsque la langue, ce que la langue profère est bon, alors en général, ça va se répercuter également sur les actes. Donc tu retrouves l'interaction qu'il y a entre les actes, entre le cœur, la langue, et également les actes du reste du corps. Et enfin, pour terminer, il faut savoir que pour arriver à cette chose-là, donc préserver sa langue, maîtriser sa langue, ça va passer par le fait de délaisser certaines choses qui à la base sont permises. Car le fait de se prononcer, à la base de parler, c'est quelque chose qui est permis. Naam. En soi, c'est permis. Ensuite, selon ce que tu vas dire, ça va être interdit, ou réprouvé, ou recommandé, ou peut-être obligatoire. Naam. Ce qui est important, c'est que pour que tu arrives à maîtriser, à ce but-là, donc le fait de maîtriser ta langue et de la préserver, ça va passer par un effort sur toi-même. Par le fait que tu délaisses des choses qui, à la base, sont peut-être permises, afin de ne pas tomber dans l'interdit. Parce que parfois, à trop se complaire dans les choses permises, tu en arrives aux choses qui sont réprouvées, ce qui peut par la suite te mener aux choses qui sont strictement interdites. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.